Quatrième partie, chapitre 4, quatrième section, la manière de communier. Comment faut-il se tenir au moment de recevoir la Sainte Communion? Au moment de recevoir la Sainte Communion, il faut être à genoux, tenir la tête médiocrement levée, les yeux modestement tournés vers la Sainte Hostie, la bouche suffisamment ouverte et la langue un peu avancée sur la lèvre inférieure. Comment faut-il tenir la nappe ou la tablette de communion? Il faut tenir la nappe ou la tablette de communion de telle sorte qu'elle reçoive la Sainte Hostie si elle venait à tomber. Quand doit-on avaler la Sainte Hostie? Nous devons faire en sorte d'avaler la Sainte Hostie le plus tôt possible et nous abstenir de cracher pendant quelque temps. Si la Sainte Hostie s'attachait au palais, que faudrait-il faire? Si la Sainte Hostie s'attachait au palais, il faudrait la détacher avec la langue et jamais avec le doigt.